sans raison. Malgré tout rêve, nous t'es parti. Avant nous détruit, à conseil sans mi. Tout ça c'est manque de confidence. J'en nous t'ai enchaîné pour nous la Ça va, souris, ensemble, à la belle.